Le bébé hibou s'en va. La maman hibou se réveille. Viens, bébé hibou, dit-elle. Nous allons chercher notre repas. Tu restes avec moi. Non! Le bébé hibou s'en va. Il voit un porc-épic. Voici mon repas, dit-il. Oh non, tu es piquante. Je ne peux pas te manger. Le bébé hibou voit une chauve-souris. Voici mon repas, dit-il. Oh non, tu es collante. Je ne peux pas te manger. Le bébé hibou voit un chat. Voici mon repas, dit-il. Le bébé hibou s'approche du chat. Est-ce que je peux te manger? Le chat s'approche du bébé hibou. Je vais te manger, dit le chat. À l'aide, au secours! La maman hibou vole au secours de son bébé. Elle chasse le chat. Vas-tu rester avec moi maintenant? Oui.